son ti passage ou vin fè ou vi ou mwen. Selman on ti stop ou ma ke ou ke ou mwen. Est-ce que mwen pa soufè et que j'en me sa? Peut-être pour mwen pa subi et que j'en me sa? Toujours quoi?